À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, Tin Tun, directeur de l'Institut d'hormothérapie de Myanmar, a publié le 2 un entretien. Il indique « Le président Kim Il-sung a fondé le 9 septembre 1948 la République populaire démocratique de Corée qui représente les intérêts de tout le peuple coréen. C'est un événement historique de la nation coréenne qui a marqué un tournant décisif pour le remodelage du destin du pays et du peuple. »